Aïshura est le dixième jour du mois lunaire de Muharram. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, avait l'habitude de jeûner ce jour, et il encourageait aussi les musulmans à le faire. Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, rapporte que lorsque le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, arriva à Médine, il constata que les juifs jeûnaient le jour de Aïshura. Il leur demanda, « Quel est ce jour que vous jeûnez ?» Ils répondirent, « Ce jour est béni. En ce jour, Allah a sauvé les fils d'Israël de leur ennemi, Pharaon. Alors Moïse, sur lui la paix, a jeûné ce jour en guise de gratitude envers son Seigneur. Alors, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit, « Je suis plus en droit d'imiter Moïse que vous. » Ainsi, il jeûna ce jour et ordonna qu'on le jeûne. Hadith rapporté par Al-Bukhari. L'année suivante, Allah le Très-Haut ordonna aux musulmans de jeûner le mois de Ramadan. Le jeûne du jour de Aïshura devint donc facultatif. Al-Bukhari a mentionné que le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, avait l'habitude de jeûner ce jour, même à la Mecque, bien qu'il ne l'ait pas ordonné aux musulmans. À la fin de sa vie, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, était résolu à ne pas jeûner ce jour seul, mais à le jeûner avec un autre jour, soit avant, soit après, afin que les musulmans se distinguent des juifs. Il a dit, « Si je vise encore l'année prochaine, je jeûnerai le neuvième jour de Muharram avec le dixième. » Mais le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, mourut l'année suivante. Hadith rapporté par l'imam Muslim. Il a aussi dit, « Jeûnez le jour de Aïshura et différenciez-vous des juifs en jeûnant un jour avant ou après. » Rapporté par l'imam Ahmed. Il y a de grands mérites à jeûner ce jour-là. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit, « Le jeûne de Aïshura expie les péchés de l'année précédente. » Rapporté par Muslim. Cependant, cette expiation des petits péchés n'est effective que si l'on évite les grands péchés. Ibn al-Qayyim a dit, « Jeûnez le mois de Ramadan et priez 5 fois par jour est bien plus important que jeûner le jour de Arafat ou de Aïshura. » En effet, ces deux œuvres expient les péchés du mois de Ramadan au Ramadan suivant, du vendredi au vendredi suivant, aussi longtemps que la personne évite les grands péchés. Mais ces petits péchés ne peuvent être expiés que si l'on évite les grands péchés.